C'est avec raison nommé la grenouillère. À côté du radeau couvert où l'on boit, et tout près du pot-à-fleurs, on se baigne. Celles des femmes, dont les rondeurs sont suffisantes, viennent là montrer à nu leur étalage et faire le client. Les autres, dédaigneuses, bien qu'amplifiées par le coton, étayées de ressorts, redressées par-ci, modifiées par-là, regardent d'un air méprisant par beauté leurs sœurs. Sur une petite plateforme, les nageurs se pressent pour piquer leur tête. Ils sont longs comme des échalas, ronds comme des citrouilles, noueux comme des branches d'olivier, courbés en avant ou rejetés en arrière par l'ampleur du ventre, et, invariablement laids, ils sautent dans l'eau qui rejaillit jusque sur les buveurs du café. Malgré les arbres immenses penchés sur la maison flottante, et malgré le voisinage de l'eau, une chaleur suffocante emplissait ce lieu. Les émanations des liquides répandues se mêlaient à l'odeur des corps et à celle des parfums violents, dont la peau des marchandes d'amour était pénétrée et qui s'évaporait dans cette fournaise. Mais, sous toutes ces tentations diverses, flottait un arôme léger, de poudre de riz, qui parfois disparaissait, reparaissait, qu'on retrouvait toujours, comme si quelque main cachée eût secoué dans l'air une houppe invisible. Le spectacle était sur le fleuve, où le va-et-vient incessant des barques tirait les yeux. Les canotières s'étalaient dans leurs fauteuils, en face de leurs mâles aux forts poignets. Elles considéraient avec mépris les quételles de dîner rôdant par l'île. Quelquefois, quand une équipe lancée passait à toute vitesse, les amis descendus à terre poussaient des cris, et tout le public, subitement pris de folie, se mettait à hurler. Au coude de la rivière vers Chatou, se montraient sans cesse des barques nouvelles. Elles approchaient, grandissaient, et à mesure qu'on reconnaissait les visages, d'autres vociférations partaient.